Elle m'a dit juste un dernier verre, juste un dernier verre. Elle m'a dit juste un dernier verre, juste un dernier verre. Il est déjà minuit, il est déjà minuit. Je vois mieux de m'en aller, je vois mieux de m'en aller. Je connais ce moment par cœur, par cœur. Où tout peut basculer, où tout peut basculer. Je connais déjà la suite, je connais déjà la suite, je connais déjà la suite. Dans deux verres, il est 5 heures. Et je dirais juste un dernier, juste un dernier. She says it's been a minute since her friends and her been outside. Been outside. And maybe when it, then it makes sense what they talk about, right? They talk about. They wanna go in. Sinon qu'est-ce que je peux faire à 3h du matin avec une bonne meuf? À part peut-être niquer ma vie et celle de la fille que j'aime en lui brisant le cœur. L'ado que j'étais me dit fais-le pour moi. L'homme de maintenant répond qu'est-ce que je fous là? Juste un dernier verre et je m'en vais. Laissons le passer, passer. Elle m'a dit dans 2 minutes, j'attends près devant la salle. Devant la salle. Ce genre de problème dont j'ai jamais besoin dans ma life. Dans ma elle attend qu'un signe. Elle attend qu'un signe. Elle attend qu'un signe. Et je me dis juste un dernier. Elle m'a dit juste un verre et je sais pas dire non. Je l'appelle par son instinct, je connais pas son vrai nom. Mais je sais qu'il est tard et je veux mieux d'être à la maison. Faudrait mieux s'en aller. Juste they wanna go in. They wanna go in. Elle attend qu'un signe. Elle attend qu'un signe. Elle attend qu'un signe. I wanna go in. I know you feel it going. Elle attend qu'un signe. Girls outside with all the FOMO. Guess tonight ain't fair, they wanna go in. Like a fish that's out of water, choking on the air, they wanna go swim. I wanna go in, I wanna go in. I wanna go in,